Chapitre 27e. Le jour, entrant à flots par les grandes fenêtres du salon de la maison à colonnes, tombait désagréablement sur les murs ornés d'un très vilain papier gris à dessin jaune, un de ces papiers qu'on chercherait vainement ailleurs qu'au fond des provinces les plus reculées. 4 fenêtres cintrées, c'est déjà beaucoup pour éclairer une seule pièce. Mais quant à ces baies énormes, ne s'adjoint pas le plus petit rideau, pas le moindre brin de verdure, quand le jour cru se reflète encore dans un parquet verni miroitant et dans une glace qui vous fait un nez de travers, on est en quelque sorte excusable d'éprouver une impression semblable à la migraine. Démiane posa son archet, s'essuya le front et dit à la petite Hélène « Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il fait trop clair ici ?» Hélène rougit et feuilleta nerveusement le cahier de musique placé sous le pupitre du piano. « On lave les stores, » dit-elle d'un air embarrassé. « Ils étaient sales. » Démiane pensa qu'on l'avait beaucoup dans cette maison et que cependant elle n'en paraissait pas plus propre. « On peut avoir un paravent, » dit Hélène en quittant son tabouret avec la prestesse d'un sylphe. Avant que Démiane eût le temps d'ouvrir la bouche, elle avait disparu. Il s'épongea le front une fois de plus et regarda autour de lui. Quel voyageur en Russie ne la connut, cette salle immense, ou quelque chose canné adossé au mur se regarde tristement dans d'énormes trumeaux encadrés d'acajou horriblement massifs, supportés par des consoles aussi lourdes que les pierres d'une forteresse, lesdites consoles soutenues par des pieds chantournés qui font songer à ceux des éléphants qui portent les palais ruinés d'encore. Les glaces sont vertes mais souvent biseautées, étroites mais indéfiniment longues. On est guère tenté de s'y regarder, car elles vous embellissent peu ou même point. Un lustre en cuivre doré, style Premier Empire, pend au plafond, vêtu de gaze jadis blanche si la maison est soignée, ce qui procure au moins l'avantage de ne pas le voir tout nu, et fortement outragé par les mouches si la maison est négligée. Celui de la maman d'Hélène était tout nu et pas beau. Un grand piano, souvent neuf, toujours à queue, tient heureusement beaucoup de place dans ce vaste désert, et quand la maison est bien posée, on y voit encore quelques banquettes en damas jaune. Des rideaux de mousseline blanche, attachés à des galeries en cuivre repoussé et doré, ornent les fenêtres, généralement garnies de stores blancs et de plantes aux riches feuillages. Le tout a un aspect, sinon hospitalier, au moins assez noble. C'est la salle par excellence, c'est-à-dire la salle de danse. La salle de cette maison à colonnes, de tant d'agréments, ne possédait que le nécessaire. Et d'ailleurs les stores étaient à la lessive, comme l'avait dit Hélène. Puis, à quoi bon ces vains ornements? La musique en est-elle meilleure? Le piano du moins était excellent, mais c'était le seul meuble moderne que contint cette vaste demeure. Pendant que Démiane clignait des yeux pour échapper au miroitement du parquet verni, Hélène rentra suivie de la servante réjouie qui portait à bras tendus un léger paravent formé de petites lattes de bois peintes en noir et d'ornements d'osier, le tout doublé de percaline verte. Ce meuble à bon marché se retrouve dans toutes les demeures russes, le plus souvent chez la femme de chambre, mais celui-ci appartenait en propre à la maîtresse de la maison. « Où faut-il vous le mettre ?» demanda la grosse fille en riant. Elle riait toujours, par principe, sans doute. « Devant le monsieur, entre la fenêtre et son pupitre. » « Voilà une idée. Un paravent, ça se met derrière le dos pour empêcher les vents coulis. » Mais on n'a jamais entendu parler d'un paravent qu'on met devant soi. « Fais ce que je te dis, » insista Hélène d'un ton triste, qui était chez elle l'expression de la sévérité. La servante obéit, se recula d'un pas pour jouir de l'effet, puis haussa les épaules et s'en alla. « Recommençons, voulez-vous ? » dit le jeune homme en assujettissant son violon. Hélène répondit d'un signe de tête et frappa aussitôt le premier accord. Elle était toujours prête, ne faisait attendre personne et ne demandait jamais rien. Elle joua tout d'une haleine, presque sans respirer, tout l'allegro, et à la dernière note se tint la tête basse, immobile, comme si elle attendait un reproche. « Vous allez bien ?» fit Démiane en riant. « J'ai peine à vous suivre. »« C'est trop vite ?» dit Hélène, en tournant un peu la tête vers lui avec une sorte d'inquiétude. « Non pas, mais je n'ai pas l'habitude d'être si bien accompagnée. Vous plaisantez ?» fit la jeune fille en se détournant légèrement. Tous ses mouvements étaient à peine indiqués, et s'accomplissait avec une sorte de crainte de faire du bruit ou de tenir de la place. Elle semblait réduire sa petite personne afin d'occuper sur la terre le moindre espace possible. Je ne plaisante pas du tout. Les accompagnateurs sont détestables, c'est une chose reconnue. Ah, si j'étais toujours accompagné comme aujourd'hui, je soulèverais le monde. » Il soupira et pinça une corde de son violon. « Le concert sera très beau, » reprit-il l'instant d'après. « Je suis sûr que je jouerai bien. »« Que Dieu le veuille, » prononça la petite à demi-voix en retirant son haleine. Demian releva son archet. Elles commencèrent l'andante avec une précision extraordinaire. Le piano et le violon semblaient ne faire qu'un instrument, tant les accords sonnaient juste. Ils continuèrent ainsi, se laissant entraîner tous deux à mettre toute leur science, tous leurs sentiments dans cette musique, qui, d'un devoir, se transformait en une jouissance exquise. Demian ne songeait plus qu'à son art, grisé par la satisfaction nouvelle, inconnue jusqu'alors, de pouvoir oublier complètement la partie de piano. Il se permettait de jouer avec accompagnement comme il n'avait jusqu'alors joué que pour lui seul. Le résultat de cette épreuve est qu'il entendait pour la première fois de sa vie, telle que le musicien l'avait conçue, la musique qu'il exécutait. Le public ne sait pas qu'à moins de circonstances particulièrement heureuses, l'exécutant n'entend bien que sa propre partie, et n'a de l'ensemble qu'une impression vague. Tout le plaisir est pour les auditeurs, et toute la peine est pour l'artiste. Celui-ci n'est réellement satisfait que lorsqu'il joue pour lui seul ou pour des amis dont il ne craint pas le jugement. « C'est superbe, » dit le jeune homme quand ils eurent fini. « J'ai bien joué 100 fois cette sonate. Voilà la première fois que je l'entends. « Pourquoi ?» demanda Hélène, dont les mains rouges reposaient alanguies sur le clavier. « Parce qu'on exécutait la partie de piano comme une corvée et que vous, vous l'exécutez comme une artiste. Voilà la différence. » Et avec vos petites mains encore, comment faites-vous ? Hélène baissa la tête et regarda ses mains. Elle les trouva fort rouges et pas très propres. Les mains disparurent sur ses genoux, l'une dans l'autre. Ne les cachez pas. Ce sont de braves petites mains. Vous n'êtes pas fatiguée ? Non, je ne suis jamais fatiguée. Alors, le second morceau. La musique recommença. Le jour devenait moins cru. Le soleil s'en allait derrière les forêts voisines, et au dehors les ombres s'allongeaient dans les rues, mais le temps ne paraissait pas long aux virtuoses, qui travaillaient avec une ardeur étonnante pour quiconque n'a pas passé par là. Quand ils eurent tout répété, quand ils furent complètement satisfaits tous les deux, la maman de la petite Hélène fit son apparition dans la grande salle vide. « Eh bien, dit-elle, êtes-vous content, monsieur Marcof ?»« Enchanté, madame, enchanté. Votre fille est une véritable artiste, une personne hors ligne. « Jamais je n'ai entendu accompagner de la sorte. Ce sera une grande artiste, je vous le répète. »« Entends-tu, petite Hélène ?»« Oui, maman, » dit la jeune fille en baissant la tête et en fermant le cahier de musique. « Vous allez bien prendre un petit morceau de n'importe quoi avec nous, monsieur Marcof, » dit la maman d'un air de royale mansuétude. « Vous devez avoir faim. » Demian avait faim, et il l'avoua sans honte. En conséquence de quoi, il suivit le majestueux peignoir de la dame dans une pièce presque aussi grande que la salle et tout aussi peu meublée. Le mobilier se composait de 11 chaises de paille. La 12e avait un pied en moins et gisait dans un coin les 3 autres pieds en l'air, et d'une table à rallonge en noyer, très vieille, si déjetée que plusieurs de ses supports étaient constamment entre ciel et terre, ni buffet, ni dressoir, ni quoi que ce soit qui puisse faire présumer qu'une table et des chaises ne suffisent pas à meubler une salle à manger. Nous autres occidentaux, qui avons la manie de nous encombrer de bibelots, nous ne pourrions comprendre cette simplicité primitive, mais elle ne choqua point Demian, d'autant plus que la table boiteuse était assez bien servie. « Faites attention, je vous prie, lui dit l'hôtesse, de ne pas cogner la table en vous asseyant. Vous pourriez renverser le samovar. » Demian fit attention, et comme chacun peut s'y attendre, il cogna le pied de la table, mettant en danger par là l'équilibre du samovar. Mais la main d'Hélène avait prévu l'accident et retenu l'objet par une de ses anses, de sorte que tout malheur fut conjuré. « Vous devriez faire arranger votre table, » dit-il à la dame en riant. « Oh, il y a si longtemps qu'elle est comme cela, nous y sommes accoutumés. Vous ne renversez jamais rien ?»« Presque tous les jours. Mais nous y sommes accoutumés. » puisque ces dames s'étaient fait une si douce habitude de pareils accidents, Demian pensa qu'il y aurait de l'indélicatesse à insister, et il accorda toute son attention à un plat couvert qui trônait au milieu de la table. « C'est du poisson du Volga, monsieur Markov, » lui dit la dame en suivant son regard. « J'espère que vous le trouverez à votre goût. » Du thé et du poisson frit. C'était un menu discutable. Cependant, Demian ne fit pas d'objection et le tout, agrémenté de hors-d'œuvre variés, se trouva excellent. Tout en savourant ce repas bizarre, il accorda un coup d'œil à son hôtesse. La maman de la petite Hélène n'avait pas d'âge, c'est-à-dire qu'elle flottait entre 35 et 55 ans. Son embonpoint assez prononcé n'était pas un signe de santé, car le teint était jaune et fatigué. Les yeux bleus avaient dû être très beaux. Ils n'étaient plus que lassés et moins ternes que cernés. De petites rides autour de la bouche contrastaient avec l'air de jeunesse du front et des cheveux bruns, magnifiques et lourds, qui forçaient leur propriétaire à rejeter légèrement la tête en arrière. Elle portait une jupe de soie claire, usée, défripée, mais à longue traîne, et par-dessus un petit paletot de drap chamois très clair, garni de galons d'argent, le tout terni et plein de taches. L'expression du visage était celle d'une douce somnolence à peine interrompue par le soin des repas. Et de temps en temps, quelques vertes remontrances à tout un clan de servantes qui apparaissaient les unes après les autres pour enlever ou donner des assiettes. « Vous aimeriez peut-être mieux du café ?» dit la dame, quand Demian eut avalé deux grands verres de thé. « Pacha, Macha, Glafira, faites du café, vite !»« Non, merci, » s'écria Markov. « Impossible, madame, je vous en conjure. » Mais les servantes s'étaient précipitées vers la cuisine et le bruit du moulin à café se faisait déjà entendre. La dame rassura son hôte du geste. « Je l'aime beaucoup, » dit-elle, « mais il ne me convient pas. Aussi je n'en prends que lorsqu'il vient du monde. » « Si c'est pour vous rendre service, » fit Demian, qui dissimulait à grand-peine une bonne envie de rire, « je ne puis pas vous refuser. » La dame sourit et croisa placidement ses mains potelées sur son estomac. Elle entendait fort bien la plaisanterie. « Quand répéterez-vous pour la seconde fois ? » dit-elle d'une voix douce et très agréable. « Je ne vois pas la nécessité de répéter davantage, » répondit Demian. « Cela va aussi bien que possible. » La petite Hélène adressa au jeune artiste un regard reconnaissant, mais si fugitif, qu'il atteignit à peine le nœud de sa cravate. « Mais, reprit-il, si mademoiselle pouvait me donner encore une heure ou deux, j'aurais eu bien du plaisir à jouer avec elle d'autres morceaux, de ceux que je ne jouerai pas ici mais qui serviront pour les concerts que je donnerai cet été, le long du Volga. « Rien n'est plus facile, » dit la maman avec grâce. La petite Hélène sera enchantée de s'exercer avec un artiste aussi éminent. On échangea de part et d'autre des saluts pleins d'urbanité, et la jeune fille, toujours droite sur sa chaise, regarda ses mains rouges avec une ombre de tristesse. « Remercie Hélène, remercie monsieur qui veut bien contribuer à ton perfectionnement. » « Et au mien propre, » ajouta le jeune homme, sans regarder la petite pianiste. Le café parut très à propos. Quand on s'est fait des compliments, il n'y a plus qu'à se séparer, à moins d'une interruption favorable, et Demian, un peu engourdi par un si bon repas, ne se sentait pas disposé à s'en aller tout de suite. Malgré ses protestations, il accepta une tasse de café et le festin recommença sur de nouveaux frais. « Il faut vraiment venir en province pour avoir un si bon appétit, » dit enfin l'artiste, pour excuser une gourmandise dont il était honteux. « C'est l'air, » dit la dame. « Probablement. Qu'est-ce qui a enseigné le piano à mademoiselle votre fille ? » demanda-t-il, un peu par curiosité et beaucoup par politesse. « C'est le chef de musique du régiment. Quand le colonel, mon mari, vivait encore, nous avions un excellent chef de musique. Il jouait du piano dans la perfection, et il composait des valses étonnantes. Il a pris la petite Hélène en affection, et dès l'âge le plus tendre, il lui enseignait ce qu'il savait. Il a fait une bonne élève. Elle a profité de ses leçons, elle a bien fait, dit la maman en soupirant, car il faudra qu'elle s'en fasse un gagne-pain. J'ai une pension du gouvernement, cette maison m'appartient, mais à quoi sert-elle? Et un tout petit bien un peu au-dessus de la ville, dans les terres, tout cela ne fait pas un gros revenu. Elle soupira encore, et la fille leva sur elle ses yeux tristes, plus tristes que jamais. La petite Hélène avait entendu raconter cette histoire bien des fois, sans doute, et dans les mêmes termes. Mais elle ne s'y accoutumait pas, pas assez du moins pour y rester indifférente. Demian comprit pourquoi elle ne souriait jamais. « Comme elle doit s'ennuyer, » pensa-t-il tout bas. « Mais mademoiselle joue dans les concerts qui se donnent ici, » reprit-il tout haut. « Je pense que ce n'est pas gratuitement. »« Je vous demande pardon. C'est pour l'honneur ou le plaisir, comme vous voudrez, » reprit la mère avec quelque amertume. « Et encore, on ne la trouve pas assez élégante. Il leur faudrait des robes neuves. Et avec quoi les acheter, grand Dieu ?» Demian se dit que si le concert réussissait, avant de quitter la ville, il enverrait quelques jolis présents à la jeune virtuose. « Savez-vous, continua la dame, quand vous serez de retour à Moscou, tâchez de nous trouver des leçons. Quand je dis nous, c'est à elle, vous comprenez. Si vous pouvez lui dénicher quelques élèves, je quitterai cette ville sans regret, je vous assure. »« Vous l'habitez depuis longtemps ?» demanda machinalement Demian. « J'y suis né et je m'y suis marié. Mon père aimait trop les cartes, il a tout perdu. » Et mon mari n'avait pas le sou. Nous nous adorions. Oh, prévoyance, pensa l'artiste. Je n'étais marié que 8 ans. Depuis la mort de mon mari, je n'ai plus de goût à rien. C'est alors que je suis revenu ici. Hélène allongea le cou et baissa la tête doucement, si bien que ses lèvres se trouvèrent sur la main de sa mère et s'y appuyèrent avec tendresse. C'est une bonne enfant, monsieur Marcof, reprit la dame, et elle fait ce qu'elle peut. Tâchez de lui trouver des leçons. Nous en serons bien reconnaissantes. Je tâcherai, répondit-il, et j'espère réussir.